quatrième et dernier temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire sur les mouvements anarchistes. Aujourd'hui, le débat. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir si on peut parler, en historien ou en historienne, de l'existence à la fin du 19e siècle d'une internationale anarchiste. Le débat sur ce thème est vif, en particulier depuis la publication à la fin des années 2000 de deux livres, la thèse de Vivien Bouet, qui à partir d'archives de police revenait sur l'idée développée par Jean Métron, pionnier de l'histoire de l'anarchisme, d'une organisation minimale des anarchistes français en particulier, et la thèse de Constant Bantman sur les anarchistes français à Londres à la fin de ce 19e siècle. Faut-il prendre au pied de la lettre les accusations de complot anarchiste développé par les gouvernements et les polices de la fin du 19e siècle, ou au contraire considérer qu'il y avait dans le développement de la propagande par le fait une multitude d'acteurs sans lien véritablement organique entre eux. C'est ce que nous verrons avec Séverine Yatar qui a préparé cette série avec nous, avec Gaetano Manfredonia qui sera en duplex avec nous et qui est un des pionniers de l'histoire de l'anarchisme en France. Il est auteur récent d'une histoire mondiale de l'anarchie. Vivien Bouet sera également avec nous. Il est docteur en histoire et chercheur associé à Paris 1. Il est auteur des anarchistes contre la République de 1880 à 1914, publié aux presses universitaires de Rennes en 2009. Constance Bantman sera également avec nous. Elle est maître de conférence à l'université du Surrey en Grande-Bretagne. Elle est auteure d'une thèse sur les anarchistes français à Londres, donc entre 1880 et 1914, publiée aux presses universitaires de Liverpool. C'était en 2013. Thomas Bossardo sera également le quatrième invité de ce débat. Il est docteur en histoire et auteur dans l'histoire des internationales, qui est publié aux éditions Nouveau Monde, d'un article à la recherche des anarchistes internationaux. Mais tout d'abord, nous sommes jeudi et nous vous rappelons les bonnes habitudes de l'année dernière. Et bien le jeudi, nous diffusons un feuilleton en ouverture de cette émission, un feuilleton consacré à la façon dont on apprend l'histoire en France, la fabrique de l'histoire scolaire, préparée par Séverine Yatar. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre. Pour aujourd'hui. Au collège de Monthermé, dans les Ardennes, Nicolas Charles travaille sur la guerre de 14-18 avec sa classe de 3e à partir de courts-métrages d'animation. C'est un projet en lien avec l'association La Pellicule Ensorcelée. Les élèves regardent un court-métrage sur les tranchées. Allez, vous prenez le cahier, s'il vous plaît, leçon sur la Première Guerre mondiale. Je vais vous diffuser le film sur la tranchée. Donc film normalement qu'on n'a pas vu en classe, et on va travailler dessus sur les problématiques du front et de la guerre 14-18. Première diffusion du film, 6 minutes. Et simplement, j'allais dire, vous regardez. C'est-à-dire que vous découvrez, vous regardez comment ça se passe. Et donc le but, c'est d'essayer de retranscrire, que vous compreniez comment vivaient les soldats au front. Mais là, ce n'est pas un film d'époque, c'est un film d'animation. Donc un film, on va dire, plutôt destiné aux ados comme vous. D'accord ? Donc c'est le regard actuel sur la guerre 14-18 et qu'est-ce que vous en tirez qu'il va falloir comprendre en fait. Ça va sur ça ? Allez, on y va. Comment je sais que c'est en 14-18 sans le dire? Il y a quel élément central de cette guerre qu'on voit là, Léo? Il y a des tranchées, on voit leur lieu de vie en fait. Voilà, on voit leur lieu de vie quotidien pendant 4 ans qui est la tranchée au front. Effectivement, donc bien sûr il y a d'autres guerres et des tranchées, mais on sait, on a identifié en cours que 14-18 c'est le lieu essentiellement des combats dans les tranchées. Voilà. Après, je vous dirai quelle année on est exactement, plutôt qu'est-ce que ça représente, mais on voit la guerre de 14-18. Est-ce que ce sont des soldats français? Comment vous le savez? Ils parlent? Ils parlent anglais. Très bien. Donc, ce sont des soldats britanniques. C'est des soldats britanniques. Pourtant, si vous avez regardé, le nom du réalisateur, il a une consonance française. Il s'appelle Claude Cloutier. C'est écrit là. Pourquoi? Il est canadien. Très bien, il est canadien. Et c'est vrai, je vous avais dit que, étant donné que c'est une guerre mondiale, c'est les pays européens qui sont principalement concernés. Mais comme ils ont des territoires un peu partout outre-mer, qu'on appelle comment ces territoires-là? Ces territoires outre-mer? Comme la France en Afrique, par exemple, ou en Asie à l'été. Voilà. Mais le Canada étant une colonie britannique, des soldats canadiens sont venus se battre en France, ils ont le même uniforme que les Anglais. C'est pour ça que là, c'est un soldat plutôt britannique, mais qui est d'origine canadienne, en fait, celui qu'on voit. Donc on est véritablement sur une guerre mondiale, et tout de suite, on le comprend dans ce film-là, avec l'idée de soldats qui viennent du monde entier pour se battre sur le principal théâtre d'opération qu'est l'Europe. Ça va? Vous avez compris sur ça? Quand vous regardez l'idée générale du film, elle veut vous montrer quoi sur cette guerre? On a quel sentiment domine chez vous quand vous voyez ce film-là? Comment on voit la mort des soldats sans... On ne voit jamais qu'ils sont tués, en fait. On ne voit pas une balle, on ne voit pas de sang qui est... Les bombardements. Et les soldats, comme à un moment donné, vous avez peut-être vu, ben, ils disparaissent. C'est l'idée de la mort anonyme qui disparaît, le bombardement. Vous avez vu les corps qui éclatent, voilà, un petit peu, c'est cette idée-là. Donc c'est bien, vous avez déjà compris l'essentiel du film. Guerre mondiale, guerre violente, violence des combats, violence au front, qui contraste, et c'est pour ça que vous allez voir, on va parler des couleurs, qui contraste avec la vie des gens qui vivent, c'est, comment ça s'appelle? Il y a le front, puis les gens qui vivent à l'arrière, très bien. Les gens qui vivent à l'arrière, c'est le contraste. Vous avez vu l'idée des champs, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, voilà, vous comprenez en 6 minutes, vous avez un résumé de ce que c'était, en gros, cette période-là. Maintenant, on va reprendre et on va essayer de voir au fur et à mesure avec le storyboard que je vous ai fait là. Storyboard, ça veut dire le séquençage du film. On va essayer de comprendre un petit peu plus en détail et on va terminer enfin par raccrocher ça au programme d'histoire. En fait. Qu'est-ce qui nous concerne à nous pour apprendre en troisième? D'accord? Allez, c'est parti. Écoutez bien. Pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire que vous pouvez télécharger séparément de l'émission du jour, donc préparée par Séverine Yattard. La prise de son était assurée par Clémence Monfils et la réalisation par Véronique Samuilov. Santo Caserio, un chant composé par Pietro Gori et qui met effectivement en avant la figure de Caserio, un des anarchistes fin de siècle dont nous allons forcément parler à un moment ou à un autre de cette discussion avec vous, Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Vivien Boué. Bonjour. Avec vous, Constance Wantmann. Bonjour. Avec vous, Thomas Bozzardo. Bonjour. Et enfin, quatrième participant à cette discussion, Gaetano Manfredonia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Limoges, que nous remercions de vous accueillir. Alors, cette question de l'international anarchiste, vous êtes d'une certaine façon celui qui est un des pionniers de cette question de l'histoire de l'anarchie en France. J'ai rappelé que vous venez de publier une histoire mondiale de l'anarchie, Gattardo Manfredonia. Cette question d'une international anarchiste, c'est une question que se posent les historiens depuis un certain temps. Depuis combien de temps peut-on dire que les historiens travaillent sur ces connexions, ces réseaux, ces relations internationales des anarchistes entre eux à la fin du 19e siècle, au moment de la naissance de ce mouvement anarchiste? Je pourrais répondre en disant que les historiens, pas que les historiens, s'intéressent à ces questions depuis toujours. C'est-à-dire qu'il est impossible d'aborder l'histoire de l'anarchisme, des anarchismes, peu importe comment on veut les appeler, sans prendre en compte cette dimension internationale. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que l'anarchisme est par essence, entre guillemets, internationaliste. Mmh. Donc, la naissance de l'anarchisme, il y a eu déjà une émission là-dessus, il y a plusieurs étapes qui peuvent être mises en avant, mais il ne peut pas se comprendre sans l'existence de l'Association internationale des travailleurs, qui est une organisation internationale, et sans l'existence de liens internationaux. Mmh. Donc, pour moi, n'importe qui jusqu'ici a travaillé sur l'anarchisme, à un moment ou à un autre, il s'est posé cette question de non pas de l'existence d'une internationale, mais de quelle manière ces liens peuvent avoir plus ou moins influencé l'émergence de l'anarchisme. Avec des questions d'intensité, d'une certaine façon. Quels étaient les liens? Des liens forts, des liens plus faibles, à certains moments plus forts et à d'autres moments de l'histoire de l'anarchie plus faibles, c'est cela aussi? Oui, alors si vous voulez, moi je voudrais revenir un petit peu sur une espèce de genèse. Quand on parle de mouvement anarchiste, de quoi on parle? Alors il faut bien différencier, si vous voulez, les idées anarchistes au sens large, ou plus exactement anti-autoritaires, qu'on peut retrouver pratiquement dans toutes les cultures et à toutes les époques, avec l'émergence d'un projet de visant à réaliser une société anarchiste qui, lui, on peut faire dater du 18e siècle, mais c'est surtout au 19e siècle qui s'affirme avec le développement du mouvement ouvrier. Et dans ce cadre-là, donc il y a une volonté de réaliser une société sans Dieu ni maître qui est mise en avant par des penseurs comme par exemple Proudhon, mais il n'est pas le seul, qui ne nécessite pas l'existence d'un mouvement, d'un parti anarchiste. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, des projets anarchistes, des pratiques qu'on peut considérer comme étant anti-autoritaires anarchistes, qui sont préconisées, mais qui n'impliquent pas l'existence de groupes, d'individus, d'organisations, qu'elles soient internationales ou autres, qui se définissent en tant qu'anarchistes, qui proposent un programme en vue du changement social radical. Donc, il faut dissocier entre le projet, comme par exemple le projet mutualiste de Proudhon, qui n'implique pas que les gens soient convertis à l'anarchisme, le projet syndicaliste qui s'élabore au sein de l'AIT, que ce soit au sein de l'Association internationale des travailleurs, à laquelle a contribué fortement Karl Marx, mais aussi au sein de ce qu'on appelle l'AIT anti-autoritaire. Il y a un projet syndicaliste qui est élaboré, qui n'implique pas l'existence, si vous voulez, d'un parti anarchiste. Oui. Or, et en même temps, Gaetano Manfredonia. Oui. Non, je dis en même temps, Gaetano Manfredonia, on a compris là depuis le début de la semaine, après toutes ces émissions, que il y avait constamment quand même des réunions, des congrès, des fédérations qui, donc. Il n'y a pas une tête, on a compris que ça ne se veut pas un parti avec une tête, un comité exécutif d'une certaine manière, mais que quand même, ça circule beaucoup, les gens se rencontrent, et il y a peut-être des décisions quand même qui sont prises. Et ça sera le thème de notre débat, évidemment. Oui, alors si vous voulez, si vous m'accordez encore deux minutes, oui, je laisserai la parole aux autres. C'est pour éviter, si vous voulez, de partir un peu dans tous les sens. Or, l'émergence d'un mouvement anarchiste, c'est que, y compris dans sa dimension internationale, et surtout dans sa dimension internationale, date de 1864, avec Bakounine, avec la création de son organisation secrète internationale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on passe totalement de côté, mais la première internationale anarchiste, c'est la Société internationale secrète de la Révolution, dont on a retrouvé les statuts, qui datent de septembre-octobre 1864. Or, ça, c'est très important, puisque Bakounine, qui vient après un parcours déjà fort riche, vient de formuler des idées anarchistes. Donc sa première idée, c'est de créer une organisation internationale qui regrouperait une petite élite de révolutionnaires professionnels dans le but de fomenter une révolution qui se veut internationale et mondiale. Ben oui. Et dans ce but, il commence à recruter un certain nombre de révolutionnaires, de démocrates autour de lui, comme par exemple les frères Reclus. Alors vous avez posé, ensuite, il va en Italie. Vous oui. avez bien posé les prémices de ce débat, pourrait-on dire, Gaetano Manfredonia. Vous avez évoqué la question de l'internationalisme, du rapport entre théorie et projet pratique, pourrait-on dire. Et puis vous avez ajouté, effectivement, avec ce dernier point que vous venez de développer, la question du secret qui va évidemment favoriser, d'une certaine façon, de la part en particulier des autorités étatiques et des polices, une vision, effectivement, d'un complot secret qui peut-être était à l'œuvre à la fin du 19e siècle dans toute l'Europe. Alors c'est une des questions que l'on va aborder avec vous quatre et peut-être avec vous Vivien Bouet, puisque dans votre thèse vous travaillez sur les archives de police en France, et à partir de ces archives de police, dans les archives départementales, vous allez les rapports de tous les mouchards de la police française qui s'insinuent dans les mouvements anarchistes à partir des années 1880, vous allez donc essayer de comprendre s'il y a des liens, s'il y a des réseaux, et vous placez, disons, en contre de ce que pouvait écrire un des pionniers de l'histoire de l'anarchie, Jean Métron, dans les années 70, qui imaginait plutôt une organisation minimale de cette anarchie, c'est-à-dire des liens faibles, d'une certaine façon, entre des individus et des cellules qui seraient relativement autonomes entre elles, même si elles partageaient une partie des idées qui leur permettaient d'agir ensuite, Vivien Bouet. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai voulu montrer en travaillant sur le fonctionnement du mouvement anarchiste dans les années 1880-1894 surtout, et à partir des archives de police, effectivement. Et je m'inscrivais en faux par rapport à la thèse qui était développée surtout à la fin des années 70, années 70 par Jean Métron, qui était que on avait surtout pour comprendre le fonctionnement, pour faire fonctionner le mouvement anarchiste, on avait surtout des petits groupes sans lien entre eux, sans lien institutionnel entre eux, avec des pratiques militantes qui étaient limitées, donc des petits groupes relativement isolés qui portaient la propagande anarchiste. Et puis en même temps, Jean Métron insistait sur le fait que, tout historien bien sûr, sur le fait que l'action était surtout une action individuelle, s'exprimant par exemple à travers le terrorisme anarchiste, la propagande par le fait des années 1890. Ça a commencé au début, enfin dans les années 1880 aussi. Alors j'ai montré effectivement que le mouvement était plus organisé que on ne le disait jusque là. En revanche, mais pas organisé au point d'être, disons, un mouvement extrêmement structuré avec des chefs qui donneraient des ordres à des gens qui sont en dessous. Exactement. Je pense que le débat n'était pas exactement le bon par rapport à ces idées, par rapport à cette thèse, pardon. Il ne s'agissait pas de montrer qu'il y avait une organisation centralisée avec une hiérarchie institutionnalisée, des liens de subordination entre les anarchistes et un comité secret qui piloterait depuis Paris ou de Londres l'action des anarchistes. Il s'agissait simplement de montrer que on avait un mouvement qui avait une identité forte, que le degré d'organisation était plus important, et que une bonne partie des actions qui étaient engagées finalement étaient davantage portées par soit l'ensemble des anarchistes dans le cadre d'une solidarité agissante, soit des petits groupes et effectivement des individus aussi, bien sûr. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que à l'époque, ce moment insurrectionnel terroriste, en tous les cas, la police est convaincue qu'il y a une internationale noire terroriste. La presse, n'en parlons pas, ne fait que entériner cette idée-là. Il y a quand même une sorte de peur et de discours complètement acquis à cette idée-là. Oui, effectivement. Bien, ouais. Effectivement, mais concrètement, quand on regarde le fonctionnement du mouvement anarchiste, on ne rencontre pas cette organisation tentaculaire qui téléguiderait l'action, en fait. Alors, Constant Bankman, vous avez travaillé, vous, sur les anarchistes français à Londres, qui sont justement des gens qui sont exilés à Londres, volontairement ou par force, d'une certaine façon. Et ces anarchistes français à Londres, qui se rassemblent, qui ont des discussions entre eux, qui font des réunions, effectivement, sont souvent considérés par, en particulier, le gouvernement français, comme une sorte de lieu secret ou lieu de décision qui va ensuite ensuite impulsé les actions terroristes, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France ou ailleurs en Europe, Constance Bantemann. Oui, absolument. Donc il faut rappeler que Londres, à partir des années 1880, est l'une des rares villes où les anarchistes qui sont chassés de tous les pays peuvent se retrouver. Donc on a des grandes colonies italiennes, françaises évidemment, allemandes, les juifs d'Europe de l'Est, dont de nombreux convertis à l'anarchisme, effectivement, qui s'installent dans l'East End de Londres. Pour des raisons de libéralisme anglais traditionnel qui a fait que Londres, au XVIIIe siècle, était un lieu d'accueil aussi de tous les proscrits du reste de l'Europe, c'est ça ? Absolument, avec bien entendu une grande actualité de cette histoire. Et donc Londres, à partir de là, devient le cœur du complot, de l'imaginaire du complot international. Il y a également eu à Londres en 1881 le Congrès socialiste révolutionnaire international, qui en fait est un congrès anarchiste, qui voit l'adoption officielle, alors avec de nombreux guillemets, de la propagande par le fait. Donc des actions qui sont des actions violentes pour pouvoir provoquer les pouvoirs, qu'ils soient des pouvoirs locaux ou des pouvoirs nationaux par exemple. Voilà, absolument. Et donc, bon, une doctrine dévoyée également, là encore, dans l'imaginaire policier, collectif, réinterprétée en idéologie terroriste. Et on observe très rapidement, à partir de ce moment-là, la formation de cet imaginaire du complot centré sur Londres. Si on lit des rapports d'espions, par exemple, on voit la structuration de ces groupes de Français exilés à Londres. Donc les exilés parlent, eux, d'acheter un billard, par exemple, pour leur salle de réunion. Ils sont une petite quinzaine. Ils parlent, effectivement, ils parlent de politique, mais pas seulement. Dans l'exil, on est désœuvré. Et d'autre part, les archives policières, où on parle tout de suite d'organisation de bombes, d'établir des liens avec les terroristes fainéants, d'Irlande, etc. Donc, on a tout de suite deux histoires assez dissociées qui se mettent en place et qui sont centrées sur Londres. En même temps, vous dites bien, Constance Bantemann, que par exemple, un journal anarchiste peut publier un manuel de fabrication d'une bombe, et puis que je ne sais plus quel est le nom de cet anarchiste, lorsqu'un journaliste vient de le voir, il est en train de fabriquer du vin de banane, et tout de suite, le journaliste croit qu'il est en train de fabriquer une bombe à nitroglycérine. Donc, il y a une sorte de mouvement permanent entre la paranoïa et une réalité complètement surreprésentée. Oui, absolument. Alors, deux anecdotes assez savoureuses, comme les offre ce sujet. Donc, le vin de banane, c'est Charles Malateau qui a écrit de très belles mémoires sur ces années londoniennes, les joyeusetés de l'exil, et il parle beaucoup de ce sujet. Mais il faut savoir que Malateau, par exemple, lui, il a un petit peu quand même touché à des coups, des affaires, des interventions sur le continent depuis la Grande-Bretagne avec Malatesta. Donc, on a quand même un petit réseau qui n'est absolument pas un réseau terroriste, mais quand même un réseau qui pratique une forme de propagande par le fait au sens originel, un petit peu. Donc, mais ça, je pense que c'est l'exemple, un des exemples les plus, disons, réalistes d'interventionnisme anarchiste et de violence anarchiste. Et pour cette histoire de manuel de fabrication de bombes, il s'agit du manuel L'Indicateur anarchiste, et le journal dans lequel il paraît est en réalité financé par la police, écrit, on soupçonne, mais très fortement, par des agents de police, donc on voit aussi le complot ici. Et on voit bien, Vivien Bouet, la difficulté de travailler sur un sujet comme celui-ci, et on le sait d'ailleurs pour ceux qui travaillent aujourd'hui sur les questions du terrorisme international, c'est qu'effectivement une grande partie de ce qui se décide n'est soit crypté, soit peu connu, soit évidemment caché, pour des raisons tout à fait évidentes, et qu'il est difficile de pénétrer au-delà des représentations mentales des uns et des autres, et en particulier de ces représentations mentales des policiers, des indicateurs. Certes, il y a énormément de mouchards, énormément d'indicateurs. On en envoie d'ailleurs, je crois, en Espagne, des policiers. Je crois que c'est vous, Thomas Bozardo, qui expliquait ça dans votre article. Une douzaine de policiers sont en permanence installés à Barcelone et à Madrid, des policiers français, pour pouvoir justement repérer les agissements de ceux qui pourraient ensuite avoir envie de commettre des attentats sur le territoire français. Et donc, on voit bien la difficulté de travailler à partir de ces archives, même si elles sont effectivement extrêmement riches, Vivien Bouet. Oui, c'est tout le débat des sources policières. En fait, le problème, c'est que pour suivre l'action au jour le jour d'un certain nombre de groupes anarchistes, nous n'avons que souvent les sources policières. Si on prend par exemple l'exemple d'un groupe comme les Indignés à Dijon, Vous n'avez rien dans la presse sur leurs activités, rien dans la presse anarchiste. Il n'y a pas de mémoire d'anarchiste racontant ce qui s'est passé au sein du groupe. Et donc la seule manière d'aborder l'histoire de ce groupe et de le mettre en connexion avec d'autres groupes anarchistes en France, c'est de reprendre les archives policières, voir les sources judiciaires étant plus difficiles d'accès parce qu'on a des inventaires qui sont assez imprécis et qui ne nous permettent pas d'avancer sur les affaires d'un point de vue judiciaire. Mais ce que je voudrais dire, et qui est important, c'est que je pense que les sources policières sont à appréhender de manière très très différente en fonction des endroits où l'on se situe. Quand on regarde les sources policières, par exemple, quand on les travaille les sources policières à Paris, on a en permanence la théorie du complot qui revient. Quand on travaille sur les sources policières à Londres, d'après ce que Constance Bantman, enfin le travail que Constance Bantman a fait, effectivement, ça revient. En revanche, si vous allez dans un département ailleurs, dans les Ardennes, Limoges, voilà, vous vous apercevez que le discours policier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le discours policier? C'est le discours de toute une hiérarchie, de l'indicateur jusqu'au ministre de l'Intérieur. C'est un discours qui est un discours fragmenté aussi parce qu'on travaille dans différents départements. C'est un discours qui est un discours de différentes polices, puisqu'à l'époque, on a au moins 4 ou 5 polices. En même temps, comme le montre Jean-Marc Berlière qui travaille sur les anarchistes. Et donc, en fait, la théorie du complot dans les départements, parce qu'en fait, c'est surtout les sources départementales qui m'ont intéressé, la théorie du complot, vous ne la trouvez quasiment pas. Pour l'essentiel, ce sont des rapports factuels. Arrivée d'anarchistes, départ. Et puis, il faut reconnaître que ces policiers ou ces gouvernements sont quand même face à une nouveauté. D'abord, le développement d'une technologie, la nitroglycérine, la dynamite, des choses qui sont toutes nouvelles et qui permettent non seulement de tuer une personne, mais d'en tuer des dizaines, effectivement, même si il y avait déjà eu des attentats de ce type-là contre Napoléon III lorsqu'il était au pouvoir. Mais effectivement, Thomas Bozzardo, on voit qu'il y a une nouvelle technologie donc, et qu'on a du mal à distinguer quand on est policier ou gouvernement, ce qui est du nihilisme russe, par exemple, et de l'anarchisme qui parfois s'y réfère, l'anarchisme des années 1880-90, mais qui est très différent dans l'approche de ce que doit être l'action terroriste, par exemple. Tout à fait. Alors, je vais compléter votre propos. Il y a une nouvelle technologie qui est la dynamite, et il y a surtout une nouvelle technologie qui est la presse de masse, qui émerge à partir des années 1880. Et le mélange des deux est explosif. Le spectaculaire de l'explosion est relayé par les diffusions de masse de la presse, les illustrés en donnent un bon exemple. Alors effectivement, l'utilisation, moi je suis pas spécialiste de l'anarchiste, mais j'ai essayé de comprendre comment l'État ou les États européens comprenaient l'anarchisme. En travaillant, comme Julien Bouet, sur les archives policières, mais pas sur les archives judiciaires, mais aussi et surtout sur les archives diplomatiques. Donc, je vais commencer par une citation qui va éclairer un peu mon propos. Au lendemain d'un attentat au théâtre du Liceu à Barcelone en septembre 1893, le président du Conseil espagnol s'exprime ainsi auprès de l'ambassadeur de France, qui relaie son entretien au ministre des Affaires étrangères. Donc, le président du Conseil espagnol affirme « Les anarchistes de tous les pays forment aujourd'hui une vaste association sans distinction de nationalité, dont l'organisation est donc supérieure à celle des gouvernements qui ont à se défendre. » On a là un concentré fois 1893. Voilà. Sachant, pour placer historiquement, que Barcelone commence à connaître très sérieusement une multiplication d'attentats à la bombe à cette époque-là, que la France est touchée minoritairement depuis les années 1880, les premières tentatives de dynamitade, mais surtout depuis 1892, les attentats de Ravachol, de Milan-Henry, les attentats à l'Assemblée nationale, ce qu'on a nommé une ère des attentats anarchistes, qui est très courte en France, 1892, et qui s'achève 94 avec l'attentat contre l'assassinat de Sadi Carnot par Casario. Donc effectivement, on a une conjonction de phénomènes qui s'affirme à ce moment-là, une concomitance d'actions violentes, d'attentats. Le vocable de terrorisme émerge aussi à cette période. Il remplacera au fur et à mesure des années 1890 l'utilisation du terme anarchiste. Donc pour revenir à cette question anarchiste et à l'amalgame qui est créé avec sa dimension violente, il s'agit là en fait d'une forme de soubassement idéologique qui va provoquer l'entente la plus large des gouvernements. Oui, parce que, évidemment, les tsars de Russie n'ont pas exactement les mêmes attentes que les gouvernements démocratiques britanniques et français, et les rois divers qui peuplent cette Europe de cette époque-là, ou les empereurs, ont évidemment des attentes extrêmement différentes des démocraties. Donc, ça n'est pas une union très simple entre tous ces gouvernements qui sont, par ailleurs, après la guerre franco-prussienne, divisés par des alliances différentes, et il n'est pas facile de se mettre autour d'une table et d'être d'accord entre, je ne sais, Austro-Hongrois, Français, Britanniques, Russes, etc., etc. Alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le monde est certes divisé en alliances diplomatiques, mais autour d'une menace comme l'anarchisme, entendu dans sa dimension violente, il y a une forme, de sainte alliance, mais la dimension religieuse n'existe pas, il y a une sainte alliance qui se crée entre les États de l'Europe de l'Ouest, la Russie comprise, qui part de l'idée... Alors il y a une conférence qui se tient à Rome, après l'attentat contre Élisabeth d'Autriche, Sissi d'Autriche, qui décède en Suisse des mains d'un anarchiste italien. Il y a une conférence internationale qui est convoquée par le ministère des Affaires étrangères italien aux fins de la défense sociale contre les anarchistes. Au sein de cette conférence, le terme de terroriste n'est pas employé, alors qu'il est déjà employé dans les rapports de police ou dans la correspondance diplomatique. Donc, et tout le monde n'est pas encore là, puisque par exemple les États-Unis ne rejoignent pas. Les États-Unis, non, restent encore dans une perspective, effectivement. Il faudra attendre l'assassinat du président McKinley pour pouvoir justement voir revenir les États-Unis dans une sorte d'entente internationale des polices sur ces questions anarchistes. Donc effectivement, à cette conférence de Rome participent notamment non seulement la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Grèce, et un certain nombre d'États balkaniques qui sont là plus ou moins à l'invitation de la Russie, parce qu'ils ne rencontrent évidemment pas la même manière le phénomène anarchiste. Donc pour en revenir à l'idée principale, sous le sceau de la lutte contre l'anarchisme, en fait, on veut lutter contre le terrorisme. Et il y a une double dimension. Non seulement les anarchistes, pour comprendre comment la coopération fonctionne, il faut comprendre deux choses. Pour les gouvernements, tous les terroristes sont des anarchistes, quelle que soit leur revendication politique, la manière dont ils s'organisent. C'est intéressant ce que vous dites, même à l'aune de ce que nous vivons ces temps-ci. Et la deuxième dimension, c'est que tous les terroristes sont des anarchistes. Tous les anarchistes sont des terroristes. C'est-à-dire que l'anarchisme n'est entendu que dans sa dimension violente. Donc il y a ce double amalgame qui est fait de réduction de l'anarchisme à ses dimensions violentes et du terrorisme à l'anarchisme, qui permet de créer des ententes policières, judiciaires et... Oui, parce que concrètement, Thomas Bossardo, c'est cette conférence, en même temps, vous dites, oui, les États se rencontrent, ils essayent de mettre en place quelque chose, mais bon... ça échoue quand même plus ou moins, même s'il y a des collaborations entre police, des policiers par exemple français qui sont envoyés en Espagne, le Foreign Office qui envoie des informations évidemment en France, et puis les polices russes et françaises qui coopèrent, mais elles coopéraient auparavant, etc. La Suisse qui renvoie aussi ses exilés, on verra, c'est la question évidemment de l'exil. Oui, effectivement, alors à Rome, effectivement, ce qui émerge à Rome, et c'est le sens des travaux que j'ai menés pendant mon doctorat, c'était la naissance de l'échelon multilatéral dans la lutte contre le terrorisme. Parce que Rome, c'est la lutte contre le terrorisme anarchiste qui ne dit pas son nom. Donc la première forme de lutte internationale contre le terrorisme. En 1898, l'essentiel de la vague terroriste en Europe a déjà reflué depuis quelques années. Donc les gouvernements sont convoqués au lendemain d'un attentat spectaculaire, tout en sachant que l'essentiel des mesures qui sont préconisées à Rome, où sont présents non seulement les représentants diplomatiques, mais les représentants du ministère de la Justice et des institutions policières, un certain nombre de propositions qui sont formulées sont déjà en place. La coopération directe de police à police, la transmission de renseignements, la création d'une forme de panoptique de surveillance policière internationale. Le travail du bertillonnage à partir des travaux de Bertillon et de la préfecture de police parisienne, par exemple. Oui, Gaetano Montredonia, tout de même, cette question est extrêmement intéressante parce qu'elle dit aussi que dans ce débat entre les discours des anarchistes dans toute leur variété, nous avons bien appelé notre série une histoire des mouvements anarchistes parce qu'il y a effectivement des variétés d'approche et des gouvernements, on voit bien qu'il y a une course effrénée à la propagande, à la façon de parler, à la façon de se présenter face à un public pour pouvoir faire avancer ses idées, Gaetano Manfredonia. Oui, moi je voudrais revenir juste sur la soi-disant l'existence d'un complot anarchiste. C'est-à-dire que quand on utilise les archives de police, bien sûr on peut pas s'en passer, mais il faut aussi être capable de pouvoir prendre un certain recul. Par exemple, il y a un gros problème qui se pose, c'est au nom de quoi poursuivre des anarchistes ? C'est-à-dire que ça peut paraître une question entre guillemets idiote, mais en fait c'est la question centrale. Oui, oui, c'est d'ailleurs que une question là aussi sans vouloir faire des liens avec aujourd'hui, c'est une question aussi effectivement que on peut bien poser sûr. Effectivement. Alors au nom de quoi, par exemple en France, vous pouvez poursuivre des anarchistes qui crient vive l'anarchie ou qui font de la propagande anarchiste. S'ils commettent un crime ou un délit, vous pouvez les poursuivre, mais s'ils font ça par voie de presse, au moment où la Troisième République se met en place, justement, sur la reconnaissance, soi-disant, de la liberté de la presse, sur une rupture par rapport aux pratiques du Second Empire. Au nom de quoi vous allez les poursuivre ? Et c'est une chose, moi, qui m'a toujours frappé, c'est que, au fait, il n'existe pas un appareil judiciaire au départ, et les premiers anarchistes, quand il y a le premier procès contre les anarchistes qui a lieu à Lyon, eh ben, ils sont condamnés pour reconstruction de l'Association internationale des travailleurs. C'est-à-dire qu'on va mobiliser la loi du fort de 1872 pour poursuivre les premiers agissements anarchistes. Et ce n'est que dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand le développement des attentats de Ravachol et compagnie change considérablement la donne, c'est que là, on va faire adopter toute une série de lois, il y en a trois, à partir de décembre 1893, qu'on appelait les lois scélérates. Voilà. C'est-à-dire que et ces lois vont créer des délits spécifiques à la propagande anarchiste, qui n'existait pas avant. Donc là, on est confronté véritablement à un problème, ce qui fait que, par exemple, tous les rapports de police qu'on trouve avant cette date, ils ont tous pour objectif de pouvoir montrer l'existence d'une soi-disant association de malfaiteurs. Donc ils ont tous des rapports à charge, ils voient tous des connexions où là, ils n'existent pas, et on ne peut absolument pas s'appuyer là-dessus. Si vous voulez, pour essayer de rendre compte de la réalité des contacts qui existent et qui sont très importants. Il s'agit là d'une dimension essentielle, à mon avis, pour ne pas partir dans tous les sens. C'est d'ailleurs une des questions qui fait de la Grande-Bretagne une particularité dans cette Europe de la fin du 19e siècle. On peut dire c'est le rapport justement à la liberté d'expression, à la capacité de défendre ses idées. Y compris lorsque ces idées peuvent provoquer chez d'autres l'envie, par exemple, de la propagande par le fait ou de commettre des attentats, Constance Bantemann. Oui, mais les anarchistes sonnent le glas de cette période. C'est un des aspects absolument fascinants de cette histoire. Donc les anarchistes français francophones à Londres dans les années 1890, c'est 450 individus qui viennent cristalliser tout un débat. 8000 selon la police, hein, vous dites bien. Oui, oui, bien sûr. C'est comme pour les manifestations. Voilà, absolument. Et donc, ils vont cristalliser tout un débat autour du droit d'asile, qui est une très vieille tradition qui a déjà été remise en question à l'époque des exilés du Second Empire, avec l'attentat d'Orsini notamment. Et on assiste à un renouveau donc de ces débats pendant la période de la propagande par le fait. Il y a quand même, pendant ces années d'exil à Londres, deux affaires terroristes qui impliquent des anarchistes français. Donc la bombe de Greenwich en février 1894. Les lecteurs de Joseph Conrad reconnaîtront l'intrigue, alors très remaniée, de son livre The Secret Agent. Et un complot, là encore, monté par la police, très manifestement à Walsall, qui implique des anarchistes italiens, français, en 1892. Malgré tout cela, cette tradition libérale anglaise tient, mais on est quand même dans une période d'urbanisation très forte, de prise de conscience des inégalités sociales et... L'argument anarchiste va servir d'argument à ceux qui prônent une approche plus restrictive du droit d'asile. Des classes dangereuses, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Absolument. Alors, Vivien Bouet, sur toutes ces questions, sur ces précautions qu'il faut prendre, disait Gaetano Manfredonia, par rapport aux archives de police que vous avez d'ailleurs prises, ces précautions aussi que vous mettez dans votre discours, à dire, effectivement, il faut distinguer une organisation tentaculaire qui aurait tout gouverné depuis Londres, depuis Paris, et puis effectivement des liens, des relations, et vous utilisez le terme de réseau pour pouvoir tenter de comprendre justement quelles étaient les relations entre ces différents groupes qui parcouraient l'Europe, très petits, très peu nombreux, mais qui parcouraient l'Europe donc pendant les années 1890-1900. Alors moi, ce que je vois de l'organisation des structures qui sont mises en place par les anarchistes sur le sol français, c'est effectivement d'abord une multitude de réseaux qui sont des réseaux à la fois locaux, régionaux, de travail ou de type de travailleurs, ou, de type de métier par exemple. Ça peut être la base de métier, mais ça peut être tout simplement sur la base des affinités. Mmh. On se rencontre à un congrès, oui. On se rencontre à un procès, etc. Et se greffe sur cette multitude de réseaux, des structures qui sont installées sur une base géographique plus restreinte, qui sont des groupes. Ça peut être des groupes très ouverts, des groupes fermés dans lesquels il faut un mot de passe pour rentrer. Ça peut être pour pratiquer des activités qui sont illégales et qui font partie aussi d'une dimension de cette révolution portée par les anarchistes, des bandes de cambrioleurs, par exemple. Ça peut être également Il faut rappeler, effectivement, qu'il y a une partie, effectivement, du mouvement qui peut vivre, en partie, de hold-up ou de vol qui permettent au mouvement d'exister de lancer la propagande. C'est la reprise, la théorie de la reprise aussi. Mm-hmm. La reprise individuelle. Ouais. Donc, on a un ensemble de structures qui se constituent sans plan préconçu, par la base, au fur et à mesure des besoins que ressentent les anarchistes en matière de propagande, et des structures qui s'associent en fonction de ces besoins. En général, on a besoin d'argent pour éditer un numéro de journal. Le premier numéro, il faut au moins 500-600 francs en caisse pour éditer une affiche facilement à plusieurs milliers d'exemplaires, facilement 100 francs. Les anarchistes n'ont pas toujours ces moyens-là. Donc, de manière assez logique, ces structures s'associent. Mais ce qui est intéressant, c'est que elles s'associent, chacune reste autonome, mais elles s'associent temporairement. Oui. Qu'appelle-t-on les soirées de famille? Ça fait partie d'une forme de la sociabilité anarchiste qui fait que les compagnons se retrouvent entre eux, alors à plusieurs échelles. Ça peut être à l'échelle d'un groupe pour commémorer par exemple l'assassinat d'Alexandre II, du tsar de Russie. Ça peut être pour commémorer la commune, mais on peut avoir des soirées de famille qui sont organisées à une échelle beaucoup plus importante, à l'échelle d'un département ou voire de Paris. Constance Bantmann. Alors le terme de réseau est absolument fondamental. Il n'y a pas eu de complot anarchiste international. En revanche, des réseaux locaux, régionaux, transnationaux, extrêmement complexes. Qui naissent, qui disparaissent, qui se remodifient au fur et à mesure du temps. Absolument. C'est absolument fondamental. Et cela explique en partie le dynamisme actuel de l'historiographie anarchiste. Alors là encore, au niveau mondial, avec des études sur les Italiens aux États-Unis, avec des médiations par la France, par la Grande-Bretagne, les liens entre la Russie et le Japon, l'Italie et l'Argentine. Il y a toute cette diaspora, tous ces échanges, ces circulations par la presse. Là encore, on est dans une période de mondialisation des communications. Le terme de réseau est absolument fondamental, quoique débattu. Et donc, le terme de réseau aussi, ça implique de s'interroger sur est-ce qu'il y a-t-il des têtes de réseau, des réseaux? Parce que, bon, c'est le principe quand même anarchiste, normalement, pas de chef. Et en même temps, on peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y avait peut-être un coordinateur, qu'il était pour des raisons différentes. Vous le dites, Vivien Bouet, ça peut être parce que c'est l'intellectuel, le personnage charismatique, celui qui s'exprime le mieux. Et donc, voilà, c'est... Et tout ça est à étudier, hein. J'imagine que c'est en cours. Sur ce point, Vivien Bouet, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on vous a attaqué. C'est un débat, c'est-à-dire que... C'est là-dessus qu'on vous a attaqué. J'ai effectivement l'impression qu'on a une hiérarchie de leaders à l'intérieur du mouvement. Ce sont des leaders qui... Malatesta, Malato... À l'échelle locale, à l'intérieur des groupes, c'est l'individu qui... Organise la soirée va se rendre utile, qui organise la soirée de famille, etc. Et puis, à l'échelle de ce qu'on peut rappeler les grands foyers de propagande, on a quelques individus, une vingtaine, qui jouent un rôle important, beaucoup plus important. Oui, Gaetano Manfredonia, sur ce point. Oui, justement, je voulais intervenir. Je voudrais répondre à la fois à Constance et à Vivien. Donc, je pense effectivement que c'est très important de dépasser le cadre d'une histoire purement, disons, nationale. Mais cela ne doit pas faire l'économie de continuer à travailler sur le cadre d'histoire nationale qui reste encore avec des largement approfondie. Avec des particularités nationales qui sont très différentes selon les... Enfin, avec des histoires nationales différentes et donc, de l'anarchie. Voilà. Et si on n'a pas suffisamment mis en valeur, disons, l'existence de ces spécificités, ou si on n'est pas capable de pouvoir les expliquer, on aura du mal à réaliser une véritable histoire transnationale. Ouais. En ce qui concerne le problème de l'existence d'une leadership ou de la notion de réseau, bien évidemment que la notion de réseau est essentielle. Mais à mon avis, il faut éviter de tomber dans le piège d'utiliser le terme réseau de n'importe quelle manière, puisqu'il existe une sociologie des réseaux sociaux, et ce sont les outils de la sociologie des réseaux sociaux qu'à mon sens doivent être utilisés pour essayer de montrer de quelle manière il peut exister ou non une spécificité des réseaux anarchistes. Parce que sinon, ce sont des affirmations totalement passe-partout, et on finit par donner de la notion de réseau, du terme réseau, une espèce de synonyme de contact. Alors, il n'y a pas que les anarchistes qui fonctionnent en réseau, n'importe quelle organisation socialiste à vocation internationale, et tous les courants socialistes, ils fonctionnent exactement de la même manière. Organisation patronale, on peut aussi l'utiliser dans l'autre. Mais bien sûr, c'est pour ça que Bien sûr, ce qu'il faut, c'est utiliser des outils d'analyse sociologique pour montrer en quoi les réseaux anarchistes, par exemple, seraient spécifiques par rapport à d'autres réseaux. Et sur le troisième point, qui est essentiel, l'existence ou non d'une leadership. Mais bien sûr qu'il y a une leadership, et cette leadership est extrêmement forte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la toute première organisation internationale créée par Bakounine. Ces organisations internationales, puisqu'il y en a eu plusieurs, mais c'était toujours la même, étaient très largement fantasmées. Mais n'ont jamais dépassé les 20 personnes, mais elles ont continué à exister, même après la mort de Bakounine. Ouais. Par exemple, d'après Netlao, la dernière manifestation de l'existence d'une fraternité a été les débats qui ont précédé le congrès de Londres de 1881. Les textes en question, les échanges de lettres, ont été publiés par Netlao dès les années 30. Ouais. Et à ce moment-là, d'après lui, il existait plus que 5 personnes dans l'organisation secrète. D'accord. Bakounine, c'était Kropotkin, Malatesta, Cafiero, Schwitz-Segebel, le Suisse, et Pindy. C'est-à-dire que, et sur les 5 personnes, il y en a 3 qui interviennent pour donner leurs directives sur ce qu'il faudrait faire au sein du congrès international de Londres. Et là, les textes qui ont été publiés depuis les années 30, ils nous apprennent quoi ? Que Kropotkin voulait la reconstruction de l'AIT, ce qu'il appelait une organisation gréviste. En revanche, et avec le maintien d'une organisation secrète de type bakouninien qui devait diriger dans l'ombre cet international, il y a la position de Malatesta, qui lui, il pensait que, bon, l'organisation secrète, c'était bien gentil, mais c'était pas sa tasse de thé. Lui, ce qu'il préconisait, c'était l'existence, certes, d'une organisation d'une internationale gréviste, c'est les termes qui sont utilisés hein, dans cet échange de lettres, mais lui, il pensait qu'il fallait constituer une organisation publique, une ligue révolutionnaire, en vue de passer des alliances avec d'autres organisations révolutionnaires, blanquistes notamment, pour pouvoir fomenter l'insurrection. Et là, il y a troisième point de vue, c'est le point de vue de Cafiero, qui lui, il estime qu'on est dans un contexte de lutte qui rend inutile et même nuisible l'organisation d'une la mise en place d'une organisation internationale. Oui, on voit bien que les consignes sont multiples et très variées parce qu'il n'y a pas de consignes voilà, au bout du compte. Attendez, simplement je voudrais donner la parole là-dessus parce que c'est vraiment à mon sens important hein. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Cafiero ne se rend même pas à Londres et à Londres les positions de Kropotkin et de Malatesta sont totalement balayé par rapport à du n'importe quoi. Ouais. Et ce qui émerge, ce n'est absolument pas une doctrine internationale, mais c'est du n'importe quoi, qui l'AIT qui est recréé ne fonctionnera pas, et le mot d'ordre qui est lancé de propagande par le fait, etc., au fait sera repris, arrangé à toutes les sauces, mais qui ne jouera en rien et à aucun moment le rôle d'une doctrine anarchiste. D'accord. Merci Gaetano Montredonia. Constance Montman et puis Thomas Bozzardo. Oui, très rapidement. Donc, évidemment, le terme de réseau est utilisé avec de nombreux guillemets. C'est un chantier de travail extrêmement riche dont les implications vont bien au-delà de l'historiographie strictement anarchiste. C'est le chantier de l'histoire transnationale avec toute cette question des intermédiaires. Je ne poserai pas la question en termes de meneurs, mais de tous ces intermédiaires qui structurent ce monde avec des rôles différents. Des passeurs, voilà. Des passeurs d'idées, des passeurs d'argent, des passeurs, enfin, de ceux qui sont entre les deux. Absolument, et des rôles fluctuants et qui évoluent. C'est passionnant. Thomas Bozardeau. Alors, plusieurs éléments pour revenir sur la notion de réseau. Tout d'abord, l'État ne réfléchit pas en termes de l'historiographie et en termes de sociologie. Donc, quand il travaille à la fin du 19e, quand les rapports de police ne sont pas... On le saurait, sinon. Même si Durkheim tout à fait, commence tout à avoir ses enseignements. Il y a d'excellents rapports policiers qui sont créés dans une langue parfaite, avec un degré de compréhension de ce qui est vu, qui sont dans les archives. Mais l'État ne réfléchit pas dans cette manière. Donc, d'une certaine manière... L'État a besoin de têtes de réseau pour comprendre ce qu'il essaye, ce qu'il voit. Donc il les invente, ça sous-entend? Non, c'est pas qu'il invente les choses. C'est que s'il y a l'idée d'un complot, c'est parce qu'on essaie de rendre intelligible aussi une réalité qu'on ne comprend pas, ouais. Et qui est difficilement compréhensible parce qu'elle est parcellaire. Parce qu'on parlait du secret tout à l'heure, mais c'est plus que le secret, c'est la clandestinité. Oui, bien sûr. Et donc il y a cette clandestinité des mouvements anarchistes. Encore plus quand ils fomentent des complots qui sont avérés cette fois-ci, répond les logiques de la surveillance policière et de la police préventive. Donc, effectivement, il y a au potentiel réseau anarchiste, à la manière dont l'État et plus particulièrement la police entend l'organisation des anarchistes, français et étrangers, et les contacts entre eux, nationaux, transnationaux, répondra une logique de mise en réseau des polices et des États. Et les logiques de mise en réseau des polices, elles répondent là aussi à des logiques qui sont totalement différentes, ne serait-ce que l'exemple français. En France, la coopération frontalière, par exemple franco-suisse, entre les années 1894-1898, vise à créer un réseau de surveillance de passage de la frontière, avec comme point d'orgue l'action du commissaire spécial d'Annemasse. La ville d'Annemasse, c'est ici, centralise les informations sur ce qui se passe en Suisse, et notamment aussi sur ce qui se passe en Russie, étant donné l'immigration. La France envoie, je termine là-dessus, à l'inverse, décide d'envoyer à partir de 1894 et jusqu'en 1908 plusieurs policiers en poste à Barcelone qui renseignent le pouvoir français et qui travaillent avec les autorités locales espagnoles. Donc c'est pas une nouveauté de notre siècle. 10 secondes, Vivien Gouet, pour conclure. Alors 10 secondes. si on parle d'une internationale anarchiste, il faudrait retravailler. Il faut repenser la définition d'internationale, pas du tout la prendre dans le sens dans lequel on l'a prise. Et puis pour ce qui est de internationale terroriste, la question est de savoir si le mouvement est imprégné par des théories qui poussent à la violence ou non. C'est plutôt que de penser le mouvement sans une tête avec des exécutants. Merci à tous d'avoir débattu sereinement de cette question qui est visiblement une question très importante chez les historiens de l'anarchie, mais pas simplement, on a bien compris en vous écoutant, Constance Bantmann. On peut donc vous lire pour votre thèse publiée aux presses universitaires de Liverpool, en l'occurrence en anglais, Constance Bantmann, on espère une traduction en français pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. On peut lire chez Arte Textuel votre histoire mondiale de l'anarchie, Gaetano Manfredoni, dans la collection sur l'histoire nouvelle de l'Europe, publiée chez Nouveau Monde, l'histoire des internationales, dans laquelle vous avez écrit cet article justement sur les internationales anarchistes, Thomas Bozardeau, c'est chez Nouveau Monde Édition. On peut évidemment lire le Métron sur les anarchistes pour pouvoir se souvenir de qui fait quoi dans ce mouvement anarchiste. Et puis votre travail, Vivien Gleu, est publié aux presses universitaires de Rennes en 2009. Et puis pour ceux qui s'intéresseraient à la Catalogne, eh bien, sachez qu'il y a un très bon livre paru il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années sur le théâtre du Liceu qui raconte justement cet attentat de 1898 au Liceu, le grand théâtre des Ramblas de Barcelone, vu par les concierges de ce Liceu. Merci à tous et merci à toutes.